Jane Com, 16h17 sur France Bleu Mayenne. Venez sur la première radio du département les après-midi pour que l'après-midi soit encore meilleur pour vous. Et en ce moment, ce sont les premières journées nationales de la réparation. Fanny Malek nous donne des bonnes astuces. Bonjour à vous, Fanny. Alors dites-nous, que faire pour prolonger la vie de notre ordinateur portable? Car j'ai appris que la durée de vie moyenne d'un ordinateur portable serait de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans? Ces chiffres m'ont vraiment agacé. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore des objets qui tiennent si peu? Est-ce que les gens jouent au frisbee avec? Ou bien l'obsolescence programmée aurait-elle encore frappé? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. À la bonne heure, la durée d'un ordinateur fixe, elle, serait de 8 ans. C'est déjà un peu plus long que l'ordinateur portable. Ça veut aussi dire qu'avant d'en acheter un neuf, on a intérêt à le faire réparer. Et surtout, à le bichonner. Bonjour Fanny, je suis ton ordinateur préféré. C'est vrai, j'aime bien quand tu me bichonnes. Mais moi aussi, j'aime bien te bichonner, Paul. Oui, j'ai surnommé mon ordinateur Paul, ça le rend plus sympathique. Voici quelques astuces pour faire vivre votre ordi plus longtemps, quel que soit son modèle. Déjà, l'entretien, c'est la clé. Il faut le dépoussiérer régulièrement, sinon la saleté peut l'endommager. Fanny, n'oublie pas de parler des produits ménagers. J'ai horreur de ça. Ah oui, merci pour le rappel. Oui, attention, si vous nettoyez l'écran et le clavier, évitez les produits ménagers agressifs. Un chiffon doux, ça suffit et c'est moins abrasif. Autre petit conseil, votre ordinateur, il aime pas trop la chaleur. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin. Et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. Merci Fanny. Demain, on vous écoutera pour prolonger la vie de nos smartphones. Toutes vos bonnes recommandations, on les retrouve dans le numérique. Ça s'explique également sur francebleu.fr et l'appli ici. Offenbach Catchy, d'ici 3 minutes, et le nouveau titre de Grégoire Vivre. Et juste après, je vous envoie vivre la comédie musicale sur les plus grandes chansons de Michel Sardou. Je vais t'aimer peut-être pour vous. Oui mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. Vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant, à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque un de ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Catchy, 16h25 sur France Bleu Mayenne. Allez, c'est reparti une nouvelle fois cet après-midi face à son immense succès depuis la première. C'était le 21 octobre 2021. La comédie musicale Je vais t'aimer repart pour une troisième tournée dans toute la France. Je vais t'aimer, c'est l'histoire de six jeunes Français qui racontent leurs amours, leurs amitiés, au rythme des plus grands succès de Michel Sardou, en chantant la Java de Broadway, les lacs du Connemara, les vieux mariés, Être une femme, la rivière de notre enfance, plus de 25 chansons extraites du répertoire exceptionnel de Michel Sardou. Et nous, on vous offre vos deux invitations pour aller le voir le 18 avril prochain à Angers, salle Amphithéa. Pour ça, il faut avoir un téléphone, c'est pas mal. Appelez Véro maintenant au 02 43 67 11 11 et répondez à cette petite question. D'après vous, laquelle de ces deux chansons a connu le plus de passages en radio ? Est-ce que c'est Les Lacs du Connemara ou est-ce que c'est La Maladie d'amour ? Les Lacs ou La Maladie d'amour ? 02 43 67 11 11, vous appelez Véro maintenant et l'un ou l'une d'entre vous repartira avec ces deux places pour aller voir la comédie musicale Je vais t'aimer dans les prochaines secondes. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Le 16-19, Cédric Ruiz. Jetons un coup d'œil ensemble aux prévisions donc de Météo France cet après-midi. Le ciel qui reste très nuageux. De la pluie est toujours possible. De la pluie donc sur le département de la Mayenne. Et donc aussi ce risque d'éclaircie qui pourra revenir d'ici à la fin de journée. Sachez que notre département est en vigilance jaune pour ce phénomène de vent. Demain, pas de vigilance particulière, nous dit-on. Température cet après-midi comprise entre 18 et 20 degrés. À 16h28 sur France Bleu Mayenne. La route ensemble aussi au 02 43 67 11 11. À tout moment, dès que vous avez constaté le moindre souci, n'hésitez pas, bien entendu, à nous passer un petit coup de fil pour faire la route ensemble sur France Bleu Mayenne. Vous le savez, ça c'est 7 jours sur 7. Le 16-19, Cédric Ruiz. 16h28 sur France Bleu Mayenne. Vous souhaitez aller voir donc ce beau concert Je vais t'aimer, la comédie musicale sur les plus grands titres de Michel Sardou. Répondez à cette question que je vous redonne. Alors à première vue, beaucoup de personnes disent les lacs du Connemara. Alors je vais le dire pour le prochain, c'est pas les lacs du Connemara, c'est l'autre, la maladie d'amour. Donc vous appelez Véro, vous lui dites que c'est la maladie d'amour qui a le plus de passages à la radio et comme ça vous allez gagner vos deux invitations. 02 43 67 11 11. Véro est en train de récupérer quelqu'un. Véro, tu vas nous envoyer tout de suite à l'antenne. Tu raconteras toutes tes histoires ensuite après, etc. T'as quelqu'un, on le prend à l'antenne maintenant. Je sais pas qui c'est, j'en sais rien, on le veut juste l'avoir tout de suite. C'est le plus important. Chantal qui est à Saint-Berthevin. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Ça va Chantal? Oui, très bien, je vous remercie. Bon, vous avez de la chance parce qu'à première vue, tout le monde ne donnait pas la bonne réponse. Ah, bah écoutez, moi je pense que c'est la maladie d'amour. Hein. Ouais, mais c'est exactement la maladie d'amour. Oui, c'est la chanson. C'est quand même rigolo parce que les lacs du Connemara, c'est peut-être la chanson la plus chantée un peu partout. Parce que celle-là, on la chante souvent dans les soirées, etc., etc. Mais en termes de passage radio, c'est la maladie d'amour qui a été le plus diffusée à la radio. Comment on le sait? Bah parce qu'on travaille à la radio. Vous voyez, Chantal, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que vous la connaissez, cette chanson, La maladie d'amour? Ah bah oui, un petit peu quand même. Après, là, je suis prise un petit peu de cours. Mais non. Vous allez voir, on va baisser la musique de notre grand jeu et on va vous faire écouter quelques secondes de La maladie d'amour. Vous pouvez fredonner dans votre tête ou à la radio. Ah forcément, oui, je croyais le refrain. Vous alliez me faire chanter, c'est non, pour ça. Mais si, vous pouvez aussi écouter. Il pleut déjà. Non, elle court. Chantal, elle court quoi? La maladie d'amour. Dans le cœur de qui? Dans le cœur des enfants. De quel âge à quel âge? De 7 à 77 ans. Exactement. Elle chante la rivière insolente. Les cheveux blonds, les cheveux gris. Voilà, j'arrête là. On m'annonce un débordement de pluie à Saint-Berthevin, Chantal. Depuis quelques secondes, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez parfaitement chanté, c'est parfait, Chantal. Bon, vous aimez Michel Sardou? Oui, j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Qui ne l'aime pas, en fait? Ah, bah oui, bah vous allez pouvoir chanter et fredonner ses plus grands titres, puisque vous gagnez votre place pour vous et la personne de votre choix, Chantal. Donc, deux places. Ça va être génial, comédie musicale, Je vais t'aimer. C'est le 18 avril prochain, il y a le temps de s'organiser. Oui, oui, exactement. C'est à Angers, salle Amphithéâtre, vous faites partie des invités de France Bleu Mayenne, Chantal, bravo. Merci beaucoup. Bel après-midi, à bientôt Chantal. À vous de même. On vous embrasse. Merci. Et on vous en passe Véro, elle va tout vous expliquer. 16h31, vous n'avez pas gagné aujourd'hui, ça tombe bien. Jeudi, vendredi, encore deux jours, il y aura encore deux questions et votre chance peut-être de gagner vos invitations pour aller voir donc la comédie musicale sur les plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer, en tournée dans toute la France, tout ça avec France Bleu Mayenne, bien entendu. Le 16-19, Cédric Ruiz. Elle court, oui, la maladie d'amour dans le cœur des enfants, mais les lacs du Connemara, puisque beaucoup voulaient que ce soit la chanson la plus diffusée à la radio, eh bien on l'écoute maintenant, Michel Sardou, ce grand classique, les lacs du Connemara. Chantez, faites-vous plaisir. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières

C'est une chronique qui existe depuis maintenant 2 ans, tous les week-ends, tous les samedis en l'occurrence, où on essaye de donner des conseils très concrets pour essayer de limiter nos dépenses, d'optimiser nos achats, d'éviter aussi des arnaques, bref, d'essayer de faire en sorte que nos budgets soient les mieux tenus possibles. Une chronique, en fait, de conseils quotidiens très, très, très concrets. Vous avez décidé de sortir de la maison de la radio, de quitter Paris pour venir à Laval pour une première édition en public. Pour mieux dépenser, il faut s'appuyer sur le local. On achète des produits de saison près de chez nous. En général, c'est comme ça qu'on fait des économies. Et bien là, ce sera à Laval, mercredi 25 octobre, vous l'avez dit. Il va y avoir une thématique évidemment alimentaire parce que c'est un budget très important. Alors alimentaire dans nos courses au quotidien pour remplir notre frigo, mais aussi on va avoir une table ronde par exemple sur comment les collectivités, les écoles, les institutions qui s'occupent des personnes âgées essayent de limiter leur budget sans rogner évidemment sur la qualité dans un contexte où il faut à la fois prendre en compte la transition écologique mais aussi cette hausse des prix qu'on a tous constaté. Il y a aussi un autre atelier sur la consommation d'énergie. C'est un énorme budget. Comment réduire sa consommation d'énergie? Ça va être une table ronde avec des partenaires qui sont vraiment dans le terrain, hein, qui vont nous dire au quotidien. On a EFI qui fait de la rénovation énergétique et puis Engie qui aussi va pouvoir nous donner quelques conseils. Et je compte vraiment sur les auditeurs, sur la présence des Lavallois pour être là et poser des questions, pour discuter avec ces intervenants qui se rendent disponibles et qui sont là pour nous donner des solutions. C'est vraiment une conférence pour essayer de trouver ensemble un certain nombre de conseils pratiques et de solutions pour moins dépenser. Et en plus, il y aura des intervenants mayennais hein, à travers ces différentes tables rondes. Dans le programme, on a vraiment fait attention à ce que ce soit des gens du CRU. Alors, c'est organisé, notamment, il y aura une participation de Laval agglomération, de la mairie de Laval. Mais tous les intervenants, dans leur grande majorité, seront des gens que les Lavallois connaissent très bien parce que ça fait partie du territoire, de la région. Eh bien, on aura la chance d'avoir le président d'Emmaüs 53. Autre, rien à voir, mais on aura du côté des industriels pour la table ronde sur l'alimentation, par exemple, qui s'intitule « Comment bien se nourrir sans se ruiner ?». Nous aurons un représentant du groupe Lactalis, Lactalis qui est très implanté à Laval, comme vous le savez. Dépenser mieux au quotidien, ça sera donc le mercredi 25 octobre à 18h à Laval, au 40, pour s'inscrire direction le site le www.maisondelaradioetdelamusique.fr. 16h40, dans un instant, le petit quart d'heure mayennais que j'aime beaucoup pour aller jusqu'à 17h, la nature, le jardin, les animaux. On partira aussi sur la route du département, la route 53. Avant ça, je propose des nuits pas mayennaises, des nuits parisiennes. Louise Attaque. Je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener au salut et bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les 4 saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui ou bien tout ça, si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Et moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belassiennes. Je voudrais vivre des soirées belles assises. soirées parisiennes. Et je voudrais des soirées belles à Sienne. Moi je vais toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais des soirées belles à Sienne. Et je vais toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais des soirées belles à Sienne. Et je vais toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Bam, bam, bam, bam, bam. Louise Attaque, les nuits parisiennes, pratiquement 16h44 sur France Bleu Mayenne. Après le journal de 17h, les amis, rendez-vous avec un artiste. Et vraiment, je le dis peu de fois dans une saison, mais des fois on peut aimer des chanteurs, mais des fois on les découvre aussi. Et lui, Barcella, j'ai fait connaissance avec lui il y a quelques heures, et c'est vraiment un artiste exceptionnel que je vous inviterai à découvrir déjà dans l'émission, mais surtout à aller découvrir demain au Reflet à Saint-Berthevin. On vous offrira aussi vos invitations. Ça sera donc juste après le journal de 17h. D'ici là, le petit quart d'heure mayennais, la route 53 autour d'un atelier d'expression du rire. Il y était ce matin Benoît Thérèse, nos animaux mayennais. On va parler avec un passionné d'images chez nous en Mayenne. Et enfin, nature et jardin. Dans quelques secondes, on vous propose d'adopter, pas un animal, mais un clémentinier. À mon avis, ça fait des clémentines. Je pense que ça fait pas des fraises. Réponse dans 60 secondes. France Bleu Mayenne, à votre service. Quelles sont vos relations avec votre propriétaire ou votre locataire? 02 43 67 11 11. Maître Amar, avocat, sera avec nous pour écouter votre histoire. Rendez-vous à 9h ce jeudi sur France Bleu Mayenne. C'est mon budget. Dépensez mieux au quotidien. Une conférence France Info animée par Fanny Guinochet. Je vous donne rendez-vous le mercredi 25 octobre à Laval. Comment bien se nourrir sans se ruiner? Comment réduire sa consommation d'énergie? Comment faire des économies? Un événement France Info en partenariat avec le Courrier de la Mayenne et France Bleu Mayenne. Mercredi 25 octobre à 18h à l'Auditorium du 40 à Laval. Entrée gratuite. Infos et réservations, maison de la radio et de la musique.fr. C'est mon budget avec EFI, numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne. Le 16-19, Cédric Ruiz. La nature et le jardin à cette heure-ci sur France Bleu Mayenne, 16h45, une belle après-midi, un bon mercredi. On va vous proposer d'adopter aujourd'hui, vous allez voir, quelque chose pour avoir ensuite des fruits dans son jardin, ça c'est chouette. Et si vous adoptiez un clémentinier? Jean-François Leray, notre expert au jardin, bonjour. Bonjour Gauthier. On peut adopter un clémentinier? Ouais, on parle souvent des citronniers, on parle des orangers. C'est vrai que le citronnier, ça reste un agrume que l'on peut facilement avoir chez nous. Mais sachez que maintenant, avec ces étés qui durent, avec des hivers qui sont peut-être un peu moins rudes, eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas planter quelques agrumes autres que le citronnier? Et la clémentine fait partie de ceux qui sont aussi dans les plus simples. Il arrive en deuxième position après le citronnier parce que ça va pas nécessiter beaucoup de travail. La différence, c'est que le citronnier, je vous dirais bien, si on veut s'essayer en pleine terre, en extérieur, bah on peut s'essayer. Puis on est un peu farfelu. La clémentine, on va attendre un petit peu. Attention, ça va quand même résister à des températures qui vont être à de moins 5 degrés. Donc, ah oui. Moins 5 degrés, c'est quand même déjà un petit peu frisquet. J'opterai pour l'instant, par sagesse, pour un pot, un gros. Parce que le clémentinier va avoir besoin de son aise, va avoir besoin de substrat, va avoir besoin de matière pour qu'il puisse se développer et vous donner des gros fruits. Si vous le laissez dans un petit pot, le clémentinier va faire des petits fruits et qui vont être un petit peu amers. Donc plus vous allez lui donner de la largesse de développement, eh bien mieux ça va être. Il a pas besoin d'entretien spécifique, mis à part. Attention aux cochenilles, mais ça c'est la même chose que pour le citronnier. Un apport d'engrais, évidemment, tous les ans, ça c'est obligatoire. Et surtout un arrosage régulier, un terreau ou une terre qui reste un petit peu humide tout le temps, surtout en période de floraison et période de fructification, qui ne devrait pas tarder, puisque les fameuses mandarines, nous on en a dans notre belle région qui est la Corse. Et sachez qu'on parlait d'adopter un clémentinier. Juste pour la petite histoire, en ce moment, il y a un petit peu des campagnes comme ça sur les agrumes bio. Et il y a des agriculteurs qui vous demandent d'adopter un clémentinier. Vous pouvez acheter un clémentinier en Corse et le producteur vous envoie la production en contrepartie. Ça, je trouve ça un petit peu sympa. Et puis, ça reste du circuit court. Merci Jean-François. Merci Gauthier Patureau. Merci Jean-François Leray. Dans un instant, on parle avec un passionné d'images mayennais autour des animaux. Ça, c'est chouette. Le temps à 16h48 d'écouter le nouveau titre de Christophe Willem. Ça s'appelle Je tourne en rond. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon monde sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Dis-moi autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Je tourne en rond, 16h50 sur France Bleu Mayenne. Pas le temps de tourner en rond. Voulez-vous découvrir de belles photos de nos animaux mayennais à cette heure-ci? Philippe Guiton vous invite à jeter un œil, voir les deux, c'est mieux, sur un magazine. Tous les jours à cette heure-ci, nous parlons de nos animaux mayennais. Puisque vous aimez la faune sauvage, je vous conseille le magazine Natimage. Bonjour Frédéric Poilvet. Bonjour, bonjour. Frédéric, vous êtes journaliste à Natimage et également à Chasseur d'Images. En quelques mots, à qui s'adresse le magazine Natimage? Alors, le magazine Natimage s'adresse à tous les amateurs de photos et en particulier de photos nature, photos animalières. C'est un magazine qui donne la part belle aux photos nature réalisées par des amateurs ou des professionnels. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le tout dernier numéro, vous parlez de la Mayenne. Et oui, il arrive fréquemment que l'on traite de sujets qui ont été réalisés sur notre territoire. Et il arrive que, on essaye de donner un petit coup de projecteur sur les différentes régions de France. Et il s'avère que dans le numéro de octobre-novembre qui vient de sortir, il y a effectivement un sujet qui a été concocté en Mayenne. Que raconte-t-il ce sujet mayennais? Eh bien, en fait, c'est le photographe qui raconte son histoire à travers ses 6 pages. C'est un couple qui s'est installé en Mayenne en 2017, dans une longère du 16e siècle. Et en fait, les précédents propriétaires de la bâtisse anglais les ont informés qu'il y avait un couple de faucons cresserelles qui nichaient dans la grange.

ici à l'espace Mélinois, le centre social de la ville de Mélé-du-Maine qui nous accueille ce matin. Et pour parler de cet atelier, il y en aura un qui aura lieu d'ailleurs dès demain, 9h30. C'est Angélique Changeon qui est avec nous. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors, ne pas confondre cet atelier expression du rire avec ce qu'on connaît peut-être pour certains, le yoga du rire, où là on se force à rire, on fait ha ha ha ha. Non, ce n'est pas ça. Eh bien non, ce n'est pas du yoga du rire. Ça, c'est une autre discipline qui est protégée par des gens qui sont formés au yoga du rire. Et moi, je n'arrive pas de cet univers-là, j'arrive d'un univers du théâtre et du clown. Alors rassurez-nous, on va quand même rire avec vous. Ça reste le principe. Ça reste tout à fait le principe, c'est d'aller chercher la spontanéité, l'ouverture, la joie et les autres émotions et expressions qui sont vivantes en nous au moment où on est là. Quels sont les exercices, les ateliers que vous proposez dans cet atelier d'expression du rire ? Alors Benoît, avant toute chose, on va préparer notre corps parce que pour commencer un atelier d'expression et qu'on puisse oser s'exprimer, eh bien on va bouger. Alors, on s'échauffe comme les sportifs. Tout à fait, on s'échauffe le corps, on le dérouille un petit peu. Bon, ça y est, c'est bon, je suis échauffé. Bon, de toute façon, on s'était un petit peu échauffé déjà avant. Le corps est chaud, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien maintenant, on va s'approprier l'espace qui est devant nous. Regardez cette grande salle, Benoît, elle est à vous. Vous pouvez librement marcher dedans, tranquillement. Et tout d'un coup, on va tous s'arrêter et seulement vous allez marcher et on va vous observer. Ah, donc voilà. Donc là, moi, je vais marcher dans cette salle où il y a la cafetière, il y a un tableau, puisque c'est une ancienne école ici, où se trouve l'espace Mélinois à Mélé-du-Maine. Et donc là, je dois marcher. Et ensuite, c'est Angélique, ma professeure d'expression de rire, Jean-Charles qui travaille ici, Audrey qui est à nos côtés également, qui vont m'imiter. Bon, ben moi, je vais marcher à quatre pattes. On a le droit. Allez, hop, je rampe. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai fait et voilà, et donc du coup Jean-Charles et Audrey sont en train de ramper derrière moi, et c'est là où on rigole, et c'est là où c'est marrant. C'est tout à fait là où on peut effectivement rigoler, mais c'est surtout avoir les autres qui bougent autour de nous et observer aussi comment les autres réagissent avec notre spontanéité individuelle. Cet atelier expression du rire avec donc Angélique, c'est demain de 9h30 à 11h, dans moins d'une minute le journal de 17h, et ensuite un artiste exceptionnel que je vous propose de découvrir dans le 16-19. Barcella s'arrête en Mayenne demain à Saint-Berthevin. Il est sur France Bleu Mayenne dans les prochaines secondes. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Samedi 21 octobre, la tournée France Bleu des Marchés fait étape à Laval. Dès 9h, place Saint-Hugal, retrouvez Clarisse Frigoul et le chef du Perrier du Bignon, Nicolas Vanier, avec un défi. Cuisiner en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. Au menu, des produits locaux, de saison et beaucoup de bonne humeur. L'équipe de France Bleu Mayenne vous attend. La tournée France Bleu des Marchés le 21 octobre au cœur du marché de Laval. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidences services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Mayenne. Il y a une minute, il était 17h, bel après-midi sur France Bleu Mayenne. Et pour le journal, Marcelin Robine. Bonjour Marcelin. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Un temps pluvieux. Ah oui, la pluie qui tombe un peu partout aux quatre coins du département. Ça ira peut-être mieux demain, on fait le point complet après ce journal. La pluie, mais attention aussi aux rafales de vent. Et la Mayenne est placée depuis 14h en vigilance jaune par Météo France. Sur les réseaux sociaux, la préfecture rappelle les consignes de sécurité à adopter. Rangez ou fixez les objets susceptibles de s'envoler chez vous. Limitez vos déplacements et ne vous promenez pas en forêt ou dans les parcs. Faites également attention sur la route. Cette vigilance devrait prendre fin en début de soirée. Il n'y a pas que les animaux du refuge de l'Arche qu'il faut protéger. Le premier site touristique du département à Château-Gontier-sur-Mayenne est est en danger. Lui aussi n'a pas échappé à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie. Entre le prix de l'alimentation pour le millier d'animaux du refuge, les coûts de l'électricité pour l'ensemble du site, les frais de vétérinaire, il faudrait environ 300 000 euros pour pouvoir revenir à l'équilibre. Un appel aux dons vient donc d'être lancé car il est indispensable de sauvegarder ce lieu majeur pour la protection des animaux dans la région, estime Jean-Marie Melon, le directeur du refuge de l'Arche. L'an dernier, en termes d'électricité, nous étions sur une prévision de 50 000 euros. Et au premier semestre 2023, j'atteignais déjà les 63 000 euros de factures. Donc on craint évidemment de terminer l'année à au moins 120 000 euros de frais, ce qui dépasse le budget alimentaire de l'ensemble de nos 1000 animaux du refuge de l'Arche. Comment faire demain pour continuer à accompagner le sauvetage de centaines d'animaux? Nous avons sollicité les collectivités locales, départementales et régionales, pour un accompagnement nouveau sous forme de subvention. Et puis, nous lançons cette idée folle, 1 euro par Mayennais pour le refuge de l'Arche. C'est quelque chose qui va se concrétiser d'ici à la fin de cette année. L'idée, c'est véritablement que 100% de la somme soit consacrée à l'animal, puisqu'encore une fois, nous avons la chance sur ce territoire d'avoir ce lieu totalement insolite et précieux. Et pour soutenir le refuge, vous pouvez vous rendre sur le site refuge-arche.org. Une agression à l'arme blanche le week-end dernier à Renazé dans le sud Mayenne. Un jeune homme âgé de 20 ans a été agressé à la sortie du Jéricho Bar dans la nuit de vendredi à samedi. Il a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la cuisse, précise le parquet de Laval. La victime a été hospitalisée à Angers. La gendarmerie de Cran enquête. Précision à découvrir sur l'application ici. Avis aux supporters du stade lavallois. Quelques places vont être remises en vente demain à 14h pour le choc contre Saint-Étienne. Le match qui compte pour la 11e journée de Ligue 2 de football se jouera à guichet fermé lundi à 20h45. Le club leader du championnat propose 200 places à la visibilité réduite, hein, précision importante en tribune actuelle, et 150 places debout. Les billets seront en vente sur le site internet du stade Lavallois et au siège des Gandonnières demain 14h. Donc les 4 clubs mayennais encore en lice en Coupe de France de football seront fixés pour la suite de la compétition ce soir. Le tirage au sort du 6e tour a lieu à 19h près de Nantes. L'ancienne de Château-Gontier, le FC Château-Gontier, le club de Méral-Cossé et le stade Mayennais représenteront le département le week-end du 28 octobre. Cédric, le temps, attention au vent et à la pluie. Eh oui, on a tout dit au début du journal, on vous le redit maintenant, soyez prudents, d'ici la fin de journée, ça peut encore souffler 60 à 70 km/h du côté de ce vent. Vent de sud-ouest qui peut souffler. Demain, la vigilance jaune ne sera plus de mise et de guise sur notre département. On retrouvera une ambiance encore avec un ciel nuageux, mais moins de vent sur la Mayenne cet après-midi. Depuis le début de l'émission, on vous annonce ces nuages, mais surtout le retour des éclaircies d'ici la fin de journée. On en est loin de la fin de journée, il n'est que 17h, mais on devrait aller vers le mieux, en tout cas d'ici la fin de cet après-midi. Pour ce mercredi, des températures comprises entre 16 et 19 degrés. Marcelin, on se retrouve dans une heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure à 18h et on fait la route ensemble aussi avec vous au 02 43 67 11 11. Vous nous appelez bien entendu pour nous indiquer, nous signaler le moindre souci que vous allez retrouver peut-être sur votre parcours en ce mercredi après-midi. Le 16-19, Cédric Ruiz. Il y a des moments où on est content de faire de la radio, déjà parce que ça nous permet, nous, entre 16h et 19h, de se sortir un peu de cette actualité terrible dans le reste du monde. Mais ça permet aussi de faire de belles rencontres, comme celle de Barcella, qui sera demain soir chez nous en Mayenne, au Reflet à Saint-Berthevin à 20h30. Demain, c'est jeudi, mais demain, c'est l'occasion surtout d'aller couvrir un artiste qui aime les mots, qui aime le vocabulaire depuis de nombreuses années. À travers ses albums, on va le découvrir, on a la chance d'avoir Barcella. C'est là avec nous et surtout on vous offre vos invitations d'ici 3 minutes sur France Bleu Mayenne. Et avant d'accueillir un artiste, quoi de mieux ? Bah, l'écouter juste avant Ton Étoile Barcella et juste après Barcella est avec nous. Dévore la vie du bout des lèvres. À bout de souffle, à bout de rêve, et ne laisse jamais les orages prendre ta douceur en otage. Souffle tes bougies une à une, avance sans haine, sans rancune. Ne tourne plus jamais le dos à l'amour et bois-le au boulot. Croisant ton étoile, passer les nuages, le soleil t'attend, mets les voiles. gens sont salauds, on passe leur la salade. On passe les nuages, le soleil t'attend, mais la voix. Saisis ta chance lorsqu'elle te caille. Rends-lui chaque denier, chaque écaille. Et n'oublie jamais qu'un sourire a le don d'émouvoir son cœur. Ne pleure pas plus qu'il n'en faut. Ne sois ni victime ni bourreau. Laisse chanter les sentiments quand viennent les couleurs du printemps. Et croisant ton étoile, passer les nuages, le soleil t'attend, mais les voix. Les gens sont salauds. Passe-leur le salade, passez les nuages, le soleil t'attend, mais la voile. C'est là, ton étoile sur France Bleu. Dévore la vie du bout des lèvres, à bout de souffle, à bout de rêve et ne laisse jamais les orages prendre ta douceur en otage. Souffle tes bougies une à une. Avance sans haine, sans rancune. Ne tourne plus jamais le dos à l'amour. Bois-le au goulot et crois en ton étoile. Qu'est-ce que c'est beau. Et lui, il mène, comme son nom de scène le signifie, sa belle petite barque, ce mot d'origine italienne, emprunté au nom de jeune fille de sa mère, Barcella, est notre invité. Bonsoir Barcella. Et bonsoir à vous, merci de me faire une place. Ah bah une belle place en tout cas, bien au chaud, restez là, on vous garderait même jusqu'au bout de l'émission, tellement que j'ai des choses à vous dire, parce que moi j'ai découvert un peu tout l'univers de Barcella en préparant cette émission, et qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer dans cette bulle depuis 14 ans, la boîte à musique, ensuite Charabia, Puzzle, Soleil, le cinquième album est arrivé, Mariposa en espagnol, Papillon, est-ce que c'est un peu une sorte de renaissance pour vous Barcella? Moi, c'est ça, c'est un nouveau printemps, c'est un nouvel envol. Je pense qu'après les années qu'on vient de traverser, on avait besoin un peu d'air libre. Et ce symbole du papillon et ce côté aérien dans les chansons que je propose me correspondait bien et correspondait un peu à mes envies, quoi. Donc je suis heureux qu'il rencontre aujourd'hui le public. Ouais, un roman qui était sorti il y a quelques années, justement, Les Papillons aussi. Pourquoi avoir choisi aussi un roman? On peut mettre plus de mots et d'histoires et d'émotions que dans une chanson? C'est un format plus long, un peu plus libre. La chanson nous contraint peut-être un peu davantage pour son format, effectivement, le côté couplet-refrain, couplet-refrain, pont-refrain. Mmh. Et puis, passé la quarantaine, j'ai eu envie d'avoir un petit peu plus de terrain pour m'ébattre. Si vous prenez les chevaux sauvages, c'est un peu l'idée. On galope, et j'avais besoin de plus d'espace pour tricoter et détricoter les sentiments qui me traversent. Alors, Les Papillons, c'est sorti en 2021, en pocket aussi, l'année qui a suivi. Alors, cet album-là, ce Mariposa, on parle d'album plus intime, peut-être plus écorché. Est-ce qu'avec le monde et la période que l'on vit, Barcella, les mots M-A-U-X impactent l'écriture avec les mots M-O-T-S? Alors évidemment, et puis moi mes disques sont des carnets de route, donc je les veux sincères et honnêtes. Donc effectivement, c'est toujours le carnet de route des 4 années qui viennent de passer. Au milieu de tout ça, il y a 2020, 2021, on va pas revenir dessus, mais c'est des années de souffrance pour beaucoup de personnes. Et j'ai eu envie d'avoir des chansons qui embellissent un peu nos vies, qui aillent chercher de l'espoir, tout en traversant tout ce qui a pu rencontrer nos existences sur ces années-là. Donc il y a des chansons qui rient, des chansons qui piquent et des chansons qui pleurent. Ça reste fidèle un petit peu à ce qu'on vit. Auteur, compositeur, interprète, vous avez amené cet amour du vocabulaire aussi avec des ateliers d'écriture et aussi dans le milieu scolaire. L'importance, Barcella, de faire aimer l'écriture très tôt. Oui, bah, je suis assez convaincu par le fait qu'on a l'une des plus belles langues du monde. Je trouve que la langue française est d'une richesse absolue, qu'on a systématiquement un adjectif pour apprivoiser chaque sentiment, chaque note de couleur, en fait. Les Anglais n'ont pas ça, ne serait-ce que dans le you, il n'y a pas de vouvoiement. Donc avec un petit vous, on arrive à mettre soit une distance un peu protocolaire, soit quelque chose de très charmant. C'est beaucoup de séduction à travers le vouvoiement. Donc je trouve qu'on a une langue d'une grande richesse et à tous les étages, j'avais envie de la révéler, de la faire vivre, parce que moi, elle m'émeut beaucoup. Et qui vous a donné à vous cette envie des mots? Oh ben c'est simplement ma mère, en fait, dont j'ai emprunté le nom de famille pour nom de scène, voilà, qui était prof de lettres et qui a fait de la mise en scène aussi dans le théâtre, et qui très tôt m'a habitué à écrire sur les émotions qui me traversaient. Donc c'est une mécanique que j'ai depuis que je suis petit. Et puis très vite, après, c'est les copains, c'est l'adolescence, les premières chansons. Et puis les copains, après, dans le métier, ça va d'Aldebert à Émilie Loiseau, en passant par Cali, en passant par Tété, par Mathias Malzieu. Voilà, toutes celles et ceux qui font un peu ma famille de chansons. Bizarre, hein, que des gens bien, donc forcément quand on est entouré de gens bien, on sait tout de suite qu'il y a aussi Barcella. Demain, chez nous ici en Mayenne, à Saint-Berthevin, au Reflet, à 20h30, on vous offre vos invitations au 02 43 67 11 11. Barcella, on revient dans un instant pour parler de votre musique. Et puis moi, quand j'ai découvert cet album, ce qui est assez quand même rare, c'est qu'à chaque titre qui s'achevait, j'attendais le prochain aussi avec impatience pour découvrir. Et souvent, on a des coups de cœur dans un album. Je vous propose de découvrir, vous allez voir avec l'actualité du moment, ce morceau de Barcella, ces 4 minutes de bonheur dans les oreilles. Ça s'intitule Les jours de pluie. À tout de suite. Comme une aigreur au bout des lavres, un vent de malheur qui se lave, une alarme grise qui ruisselle, a étouffé toute étincelle. Là, tout au creux des forteresses, qui protègent de nous ce qu'il reste, dans le cœur brisé des poètes, où naissent les torpeurs, les tempêtes, comme une putain d'épine en fait. Oh vague à l'âme, j'ai mal à l'être, à trop disséquer mes ivresses. Sur la feuille, l'élan se disperse, plus une colombe à ma fenêtre. Au large, un air de fausses promesses, et comme d'hab, l'histoire se répète. S'avant du vent, s'avant du rêve, mille douceurs dans la voix des traîtres. Je connais trop ces mascarades, ça joue les frères, les camarades, et sous les sourires qu'ils maquillent, ça baiserait ta mère et ta fille. Quand on voit ce que l'homme se traîne, de trahison, de chrysanthème, j'avoue que la quête semble vaine, je suis plus tellement sûr de vouloir qu'on m'aime. Et pourtant ça tangue en dedans, ça tambourine de temps en temps, ça brûle comme un cri silencieux, ça dit qu'il est temps d'être heureux, ça hurle comme un oiseau blessé, ça cherche l'amour, la vérité, ça dit qu'il nous faut essayer, parce que c'est la seule échappée. Tu sais, je n'ai pas peur du nord, si j'ai tout envoyé dans le décor, c'est que comme toi je rêvais d'autre chose. Edith parlait d'une vie en rose. Tu sais, je n'ai pas perdu la donne. Changer la donne, moi j'en rêve encore. Comme toi, je rêvais d'autre chose. J'aurais aimé faire autrement, sentir l'embellie plus souvent, tenir face à l'adversité, tendre la main, le cœur léger, sourire à l'inconnu sans gêne, mourir à siffler la bohème, m'enivrer de l'écume des jours, donner de mon temps par amour. Où sont passés les papillons, ces bruissements dans nos ventres ronds, qui chatouillaient nos cœurs sans liesse, éphémère printemps d'allégresse. Hier, quand nous étions enfants, arrivés du soleil levant, épris d'un air de liberté, fut-il l'instant d'éternité. On a beau dire, on a beau faire, souffler sur nos vies de poussière, s'accrocher chaque jour à nos rêves, dire qu'on encourage la relève. Quand je vois ce qu'on va laisser à tous ces marmots désarmés, cette honteuse esquisse du futur, ce monde au bord de la rupture. Ami, ne te résigne pas, Tant d'autres y ont cru avant toi, et si certains ont abandonné, laisse-les se flétrir de lâcheté. Tant pis si leur monde se fissure, la haine les aura à l'usure. Nous formerons ces fleurs futures qui poussent aux cicatrices des murs, qui poussent aux cicatrices des murs. La mélodie comme ça jusqu'au bout de Barcella, les jours de pluie. Ça fait partie de ce dernier album, Mariposa. J'aurais pu vous faire découvrir Le cœur des hommes qui est sublime. Souris-moi aussi, j'ai hésité entre Ces jours de pluie et Souris-moi. C'est une autre ambiance aussi avec Souris-moi. Barcella, vous êtes avec nous ? Ouais, je suis à la fois très touché que vous preniez l'audace de passer ce type de chansons parce qu'elles sont pas dans le format de ce qu'on attend en radio. Et moi, ça m'émeut beaucoup de savoir que vous prenez 4 minutes pour faire vivre un peu ma plume comme ça. J'étais particulièrement ému de l'entendre, celle-ci. Et c'est vrai qu'elle résonne beaucoup avec l'époque. Ah bah c'est clair que c'est une chanson d'actualité. Il y en a 11 à l'intérieur, 40 minutes qui défilent très très vite. Vous venez de Reims, vous, Barcella, et vous avez créé ce Charabia Festival en 2016 pour les amoureux des mots, toujours dédié à la chanson française, à la poésie. Dans quelques semaines, d'ailleurs en novembre, fin novembre, il y aura Pomme, il y aura Cali, Albin de la Simone, Catherine Ringer, Hervé, Mademoiselle K, Giorgio aussi, que je vous invite à découvrir avec son dernier titre avec Patrick Watson. C'est une pépite. C'est beau quand même, 7 ans après aussi, un festival qui existe et qui dure. Ouais, qui perdure. Bah oui. Puis cette année, on l'ouvre avec un premier week-end de rencontres littéraires. Donc c'est une belle aventure dans la ville qui m'a vu naître et que j'habite toujours. Et c'est une autre manière de faire vivre la langue française. Il y a aussi des ateliers à l'école, il y a un tremplin de découverte nationale. On a fait des rencontres à l'hôpital. Bref, on essaye de valoriser la langue française en chanson, mais pas que, un petit peu aux quatre coins de la ville. Et on sait que c'est un rendez-vous qui fédère depuis maintenant 7 ans. Quand vous arrivez demain en Mayenne, vous voulez pas prendre un petit peu la nationalité mayennaise demain pour venir créer ça ici? C'est un peu la beauté du voyage, c'est qu'on a quand même le plaisir avec mon équipe de découvrir des régions qui ne sont pas les nôtres. Et à chaque fois, c'est pas toujours le cas, mais on a très souvent de bonnes surprises. Donc là, c'est une joie pour nous d'aller découvrir des coins qu'on connaît un petit peu moins. Ouais. Et on a tous cette curiosité qui viendra remplir les prochains albums et fabriquer les prochaines chansons parce que on écrit par rapport à nos rencontres. Des rencontres, vous en avez fait beaucoup, des premières parties, comme Francis Cabrel, qui était en Mayenne d'ailleurs hier, des collaborations avec Paris Combo, Gaël Faure, les frérots de la Vega, Luce, Claudio Capeo, Zaz aussi, avec qui vous avez toujours peut-être rêvé de composer. J'ai lu Zazie, mais elle n'a pas besoin parce qu'elle fait ça très bien toute seule. Un rêve peut-être de quelqu'un, français ou étranger, avec qui vous aimeriez partager la plume, Barcella? Ah oui, moi j'ai une tendresse pour les mélodies et les textes, mais les mélodies surtout de Calogero. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une voix fantastique, qui a des mélodies absolument prenantes, et je crois savoir qu'il écrit pas forcément tous ses textes et qu'il fait appel à des autrices et des auteurs. Donc j'aimerais beaucoup écrire pour Calogero. Et c'est vrai qu'après avoir écrit pour les frères Rosas ou Claudio, c'est l'un des artistes qui m'émeut, qui a quelques très très belles chansons comme Danser encore, pas forcément celle qu'on met le plus en avant d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a une vraie belle sensibilité, donc j'adorerais pouvoir me prêter à l'exercice de l'écriture pour lui. Calogero, on va l'écouter dans un instant avec Marie Poulain, le hall des départs. C'est le même travail qu'écrire pour soi quand on compose avec d'autres, on y met autant peut-être de soi à l'intérieur ou on se met dans la peau de l'autre pour écrire? Ah, on se met dans la peau de l'autre. C'est toute la beauté de ce chemin d'écriture, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie. Moi, quand j'écrivais pour Zaz, je prenais vraiment quelques chansons d'elle en amont, je me mettais sa voix dans la tête et j'essayais d'imaginer des notes qu'elle pourrait atteindre. Et elle a transformé mes chansons à merveille, hein, parce que pour le coup, elles sont complètement devenues siennes. Sur le dernier album, j'ai écrit Imagine, j'ai écrit tout là-haut, des chansons que vous avez tournées sur vos ondes. Ouais. Et vraiment, enfin, en plus, la tournée de Zaz, elle est fantastique. Elle va chanter aux quatre coins du monde, donc ce sont des chansons qui vont rencontrer un très large public. Non, c'est vraiment un exercice de morphisme, hein, que d'écrire pour l'autre. Et c'est toute la beauté de ce métier, c'est qu'on peut s'offrir des parenthèses comme ça. Alors, pour la tournée, il y a vous au chant, à la guitare, il y a du clavier, de la batterie, de la basse aussi, l'équipe son et lumière qui vous accompagne. Il faut penser aussi à toutes ces personnes, parce que c'est un groupe qui se déplace en Mayenne demain au Reflet à Saint-Berthevin. Quand on écoute Barcella, on se sent bien, ça je le lis souvent. Et la preuve, ce matin, quand je l'ai écouté, j'ai pas vu défiler les 11 titres de ce dernier album. Est-ce que ça vous va bien, ça, de se dire que quand on vous écoute, parce qu'on passe par plein d'émotions, il y a du sourire, il y a aussi des fois un petit peu de larmes dans ces chansons, dans ce que ça raconte, c'est un peu tout ça, c'est la vie en fait. Ben c'est ça, ma démarche, encore une fois, elle est sincère. Hein. J'écris par rapport à ce qui peut me traverser. Et donc, c'est ce que je disais, mes rencontres font qu'il y a des chansons qui rient, qui prêtent à sourire, qui sont dans la légèreté. Et puis l'époque va inviter des chansons plus lancinantes. Et pour autant, ces chansons ont leur place et elles rencontrent vraiment les gens. Je veux dire, on aime aussi Jacques Brel pour Ne me quitte pas, et c'est pas la plus guillerette de ses chansons. Donc, je crois qu'on a besoin d'avoir des chansons fidèles à ce qu'on traverse. Et c'est une démarche honnête. Donc, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui fait qu'on a la chance maintenant d'avoir avec mon équipe un public fidèle depuis une quinzaine d'années et un public qui continue de nous découvrir. Donc, ça me touche beaucoup. Ah ben, moi, je serai là demain soir, une partie de la radio aussi. J'ai juste envie de vous dire que j'aurais aimé vous découvrir avant Barcella. Voilà, ça aussi. Quand on mais déjà, merci l'hiver. À vous. Mais si vous voulez un jour diriger toute la programmation des France Bleu National, n'hésitez pas, vous tournerez davantage mes titres. Avec grand plaisir. Non, mais alors là, sans souci, on sait à qui donner aussi les bonnes adresses avec Nathalie André et toute l'équipe au niveau de la musique, et Barcella. Oui. En tout cas, grand plaisir de vous avoir eu cet après-midi et bienvenue en Mayenne demain. Vous y serez bien, vous y serez chez vous aussi. Et c'est une chance de vraiment vous découvrir demain soir. Merci Barcella. Merci pour la tendresse, merci à vous. À 17h23. Calogero, justement, Barcella nous en parlait. Ce nouveau titre avec Marie Poulain, le hall des départs, et dans un instant, la chronique d'Émilie Mazoyer avec du Soldat Rose, du Rita Mitsouko, du John Williams à l'intérieur. Il n'y a qu'Émilie pour nous mélanger tout ça. Et nous, on va aller tranquillement, mais sûrement jusqu'à 17h30, des nuages et de la pluie. Mais comme quand Barcella arrive demain, après la pluie, le beau temps et les éclaircies. Dans le hall des départs, ceux qui restent sont toujours tristes. C'est comme de rester là. À regarder partir, le protagoniste c'est le hall des au revoir. Je sais qu'il faut que tu t'en ailles, mais attends encore qu'on se regarde en détail. Dans le hall des arrivées, quelque chose de sacré. On attend le cœur battant, les grands pas se rapprochant. C'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on se rapproche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin. Pour ça on est toujours en retard. Bientôt on se rapproche ou loin. Mais ce n'est que provisoire. Bientôt on se rapproche de l'arrivée. Dans le hall des départs, j'affiche toujours un sourire triste. J'ai déjà hâte de te revoir, mon très cher protagoniste. C'est le hall des mouchoirs. On pense toujours un peu au pire, plus que de simples au revoir. Ce sont des je t'aime quoi qu'il arrive. Dans ces halls trop grands, moi je ne vois que toi. Et j'espère en partant qu'en fait tu décides de rester là. Je serai alors pour ton vol, pancarte à la main qu'on rigole, pour ne rater aucun de nos câlins hollywoodiens. Bientôt on se rapproche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin. Pour

Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Le 16-19, Cédric Ruiz. Les prévisions de Météo France pour cet après-midi, de la pluie et du vent. C'est vrai que c'est plutôt costaud, hein. En plus, cette vigilance jaune avec ce phénomène de vent jusqu'à la fin de journée, 60 à 70 km/h pour ce mercredi. Et les températures qui oscillent entre 15 à 18 degrés. Demain, jeudi, l'essentiel de la journée va se dérouler avec un ciel très nuageux à couvert. Il y aura encore des averses. Les températures au lever du jour entre 12 et 14 degrés. Météo plus conditions de circulation 02 43 67 11 11 pendant toute l'émission. Vous le savez, on fait la route avec vous, on fait la route ensemble. Le 16-19, Cédric Ruiz. D'ici 3 minutes, à lire, à voir, à écouter avec Eda Bellabis à l'occasion du Transistour qui s'arrête dans les médiathèques du département. Eda Bellabis qui a eu la bonne idée aujourd'hui de s'arrêter sur France Bleu Mayenne dans l'émission, mais qu'on va retrouver surtout dans le Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, puisqu'elle est chez moi, à Carcassonne. Donc je vais prendre la température de Carcassonne dans 3 minutes avec Eda. Le temps des REM et Losing My Religion. Brought me to my knees, pale, what is De 17h38, REM Losing My Religion. À lire, à voir, à écouter. Aujourd'hui, ça sera à écouter dans le cadre du Transistour, la compile, la dixième, qui part en live, en concert, en partenariat avec la bibliothèque départementale de la Mayenne, Transistor, hein, ce beau média gratuit d'infos culturelles en Mayenne, qui part donc à la rencontre du public dans les médiathèques du département depuis le 7 octobre et jusqu'à ce samedi qui arrive. À Villaines-la-Juhel, il y aura Johannes. Et puis du côté de Mayenne, en Mayenne, il y aura Eda Bellabis. Eda Bellabis, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir, alors surtout que vous êtes dans un coin sympathique à cette heure-ci. En effet, oui. Vous êtes à Carcassonne. Oh là là. Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si loin de nous, dans l'Aude ? Eh bien, parce que, avec mon collègue Fabien Portejoie, nous jouons là dans les écoles de Carcassonne. D'accord. Encore demain et après-demain. Ah bah, les chanceux donc, voilà, qui sont de vous avoir et puis la chanceuse que vous êtes d'être à Carcassonne. Alors, vous êtes à travers la France depuis de nombreuses années. Vous y étiez d'ailleurs aussi en groupe. Oser l'aventure solo, est-ce que c'était aussi un besoin pour vous, peut-être, d'être moins entouré, d'être un peu plus seul ? À un moment de ma vie, oui, ça a été un besoin, puis un peu une nécessité de vie, quoi. J'ai dû rentrer en Mayenne pour des raisons personnelles, et donc du coup, ça a été le moment aussi de monter solo. Ouais. Du coup, les aléas de la vie m'ont mené à solo, et de toute manière, je savais que j'y arriverais à un moment donné, donc voilà, c'était le bon moment. Alors, on parle souvent de ces synthés qui sont volontairement un petit peu kitsch, des productions électro aussi qui déchirent sa maman. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on peut lire aussi sur le site de Transistor. C'est bien résumé quand on dit ça au niveau de la musique ? De quoi, les synthés un peu kitsch et les prods qui déchirent sa maman ? Oui. Ben, je sais pas. Bah oui, oui, forcément, c'est un côté un peu kitsch. Est-ce que ça déchire sa maman? Je sais pas. Je sais pas si c'est le terme que j'aurais employé. Je dirais qu'il y a un côté plutôt onirique dans tout ça, quand même. Oui. Parce que... Et je dirais que les synthés, au-delà d'être kitsch, ils sont un peu aquatiques, comme ça, quand même. Ah, c'est mieux dit. C'est mieux dit que sur le site de Transistor. C'est bien aquatique, c'est mieux que kitsch. Non, mais on prend, on valide ce côté. Alors, entre des reprises aussi de Diva Oriental, hein, des chansons en français, mélanger un petit peu ces univers, la langue aussi, la gestuelle, ce côté théâtral que vous avez, que vous avez beaucoup travaillé. Alors là, ça sera dans une médiathèque, hein, le samedi après-midi à 16h. Bon, ça sera peut-être pas non plus ce qu'on voit d'habitude. Ça va être plus soft, plus calme. Ça va être plus soft. Et puis, du coup, en fait, mon set va être restreint parce que le temps est partagé entre des moments de parole et des moments, donc des moments d'échange avec le public et des moments de jouage, quoi, des moments où je joue. Donc, du coup, j'ai privilégié un set assez court avec peu de morceaux. Et donc, du coup, je ne ferai pas de reprise dedans. Vu que j'ai moins d'espace pour jouer, je vais faire mes compos surtout. Oui, c'est sympa aussi de venir à la rencontre des Mayennais, des Mayennaises toujours, bien sûr, mais de jouer dans ce genre d'endroit où on discute certainement entre les titres avec le public. Ouais, carrément. Bah moi, ça me fait plaisir. Et puis je suis curieuse de comment va être mené l'échange et de pouvoir avoir des retours avec les gens, enfin de pouvoir en parler. Après, c'est vrai que je trouve que c'est toujours un exercice aussi difficile. Parce que tu rentres pas dans ton set comme tu le ferais normalement avec cette intensité que tu peux faire croître au fur et à mesure. Là, t'es dans quelque chose où t'as des moments de retour à la normale, quoi, entre les deux, d'échange. Donc, c'est un exercice, mais que j'aime bien. Alors, bel exercice. Ce samedi à 16h, ça sera gratuit. Médiathèque Le Grand Nord à Mayenne, c'est sur l'esplanade François Mitterrand. Eda Bellabis, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on écoute quelques secondes. Il y a du bruit à Carcassonne autour de vous, Eda. Oui, ben en fait, oui, je suis dans l'appartement de mon pote parce qu'en fait, j'ai perdu ma carte pour rentrer dans le mien. Donc, voilà, si vous voulez tout ça. Alors, si vous voulez des bons plans pour dormir ce soir, j'ai des adresses. Au rendez-vous. Bon, si vous ne savez pas où dormir ce soir à Carcassonne, ça peut vite s'organiser, ça, Eda. Il n'y a pas de souci. Bougez pas, on revient avec vous dans un instant. On écoute, Eda. Eda Ben Abyss est l'invité de la nouvelle scène mayonnaise sur France Bleu Mayenne. Dans l'embrasure de la porte blanche, ton dos, je l'imagine déjà loin. De mes hanches pour ton doux sédacile, j'imagine ton verso blanc cassé, ton dos que j'imagine. Extrait de la nouvelle scène mayonnaise avec Hervé Lefebvre, c'était il y a quelques mois, ça, Eda Ben Abyss qui était passé justement pour nous présenter sa musique. Eda Ben Abyss qui revient avec nous dans quelques secondes pour parler de ce transistour. Ben, ça tombe bien, regardez, dans les prochaines secondes, on vous en parle aussi. Allez, on se réveille. Tous les matins, France Bleu Mayenne met à l'honneur l'élève tôt. Boulanger, agriculteur, agent technique, aide-soignant, ils et elles nous dévoilent leur quotidien. Et si vous aussi, vous souhaitez rejoindre le club des lèvres tôt, appelez-nous 02 43 67 11 11. La Mayenne qui se lève tôt, du lundi au vendredi à 6h50 sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne, partenaire du Transistour. À l'occasion de la sortie de la 10e compilation Transistor, découvrez 16 artistes et groupes mayennais. Neuf concerts rencontres sont proposés dans la médiathèque du département. Toutes les communes et les dates sont sur le site transistor.org. Retrouvez les artistes du Transistour dans les programmes de France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne soutient les artistes locaux. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. Le 16-19, Cédric Ruiz. À lire, à voir, à écouter depuis cette belle ville de Carcassonne. Eda Ben Abyss est notre invité. Le Transistour donc qui s'arrête à Mayenne, 16h, ça sera samedi pour aller voir Eda Ben Abyss. Une belle rentrée aussi pour vous, Eda Ben Abyss, parce que quand on vous suit sur les réseaux, on voit que vous aimez, vous parlez d'aquatique tout à l'heure, on comprend peut-être pourquoi aussi, vous aimez la piscine. Oui. Ben oui, parce que faut expliquer pourquoi en effet, je dis ça. J'aime la piscine, exactement. Faut l'expliquer pourquoi. Alors oui, je dis ça. En fait, oui, voilà. Alors oui, d'accord. C'était une perche tendue, donc. Et voilà, c'est ça. En effet. Oui, alors j'aime la piscine. Ben oui, parce qu'en fait, je vais sortir un titre qui s'appelle Le saut dans le grand bain. Et qui a été tourné en partie à la piscine de Saint-Nicolas. Voilà. Et l'autre partie a été tournée dans le cimetière de Désertines, dans le Nord Mayenne. Et c'est un morceau qui parle de l'après-deuil, enfin de ce moment où en fait après le deuil on a sauté dans le grand bain, et c'est une métaphore en fait de l'après-deuil, quoi. D'accord. Ça arrivera en novembre, hein, je crois. Exactement. D'accord. Et ça a été, et j'ai eu la chance de réaliser ce clip-là avec Chloé Conseil, voilà, avec qui j'avais déjà réalisé le clip Les Couples. Oui. Et voilà, ça a été une belle aventure. On ne change pas une équipe. C'était une très belle aventure. C'est bien. Exactement. Vous étiez passé au festival Les Trois Éléphants, ça date maintenant, hein, mine de rien, puisque c'était au mois de mai dernier. Est-ce que, avec la sortie aussi de ce titre, avec bon, ce transistour qui continue, est-ce qu'il y a d'autres choses autour des Dab et Abyss qui sont programmées? Bah oui, je joue au Bebop Festival là au Mans en novembre. Super. Voilà. Ensuite, j'ai une tournée en novembre aussi, plus vers la fin novembre, où là, c'est dans des petits bars. Voilà, parce que ça fait aussi clairement partie, moi, des dates que j'effectue et que j'aime faire. Ouais. Donc, voilà, pour l'instant, c'est ça. Et surtout, moi, là, je bosse, enfin, voilà, je suis en train de continuer à bosser sur l'album et voilà. Et petit mot, quand vous allez vous promener comme ça dans les écoles, c'est quoi? C'est aussi expliquer comment se crée la musique? Vous jouez aussi dans les écoles? Alors, on joue, en fait, ouais, on joue, et c'est une forme

connectés à notre région. Ici, c'est France Bleu Mayenne. Une très belle fin d'après-midi sur la première radio du département France Bleu Mayenne. Il est 18h. Et le retour de Marcelin Robin pour le journal. Le temps devrait être un peu plus sec ce soir, c'est vrai. Moins de vent déjà peut-être d'ici la fin de journée. Toujours cette vigilance avec le vent, mais ça va se calmer. Demain, toujours de la grisaille, mais moins de pluie. Point complet après le journal. Et on en parlait ce matin, vous avez peut-être rallumé votre chauffage cette semaine. D'autres attendent qu'il fasse encore plus froid ou quelques jours de plus pour ne pas faire exploser les factures de gaz ou d'électricité. Une bonne idée pas chère pour ceux qui se chauffent au bois, c'est d'aller couper ces bûches en pleine forêt. Alors pas n'importe lesquelles, hein, bien sûr, explique Gabriel Raymond, technicien à l'Office National des Forêts en Mayenne. Dans les forêts privées comme publiques, tant que le propriétaire est au courant et qu'un contrat est passé entre les propriétaires et le particulier pour faire du bois de chauffage, c'est encore possible. On a l'exemple sur la forêt de l'Huisserie où l'agglomération met à disposition un peu de bois de chauffage à faire sur pied ou des fois à bord de route pour des particuliers. Dans ce cadre-là, voilà, il y a quelques personnes sur l'Huisserie, on compte 3, 4, 5 particuliers qui font du bois de chauffage régulièrement pour leurs besoins personnels. En fait, on a deux types de vente, on va dire. La première type de vente, c'est du bois qu'on appelle sur pied, c'est donc c'est du bois qu'il faut abattre. Donc là, les particuliers viennent avec du matériel d'exploitation forestière et ils viennent exploiter le bois selon les conditions qu'on leur a données dans le contrat qu'on aura fait ensemble. L'autre type de vente, c'est du bois bord de route, où là, le particulier a déjà du bois qui est coupé en 1 mètre ou en 50, suivant la disponibilité des produits. Et où il achète du bois déjà fait bord de route. Pour récupérer du bois à l'Huisserie, il faut donc contacter Laval Aglo sur son site internet. Le refuge de l'Arche qui lance un appel à l'aide. Le premier site touristique mayennais situé à Château-Gontier sur Mayenne a un gros trou dans son budget. Il lui faut environ 300 000 euros pour revenir à l'équilibre. L'inflation est passée par là, la flambée des prix de l'énergie aussi. Et il faut bien nourrir le millier d'animaux protégés par le refuge. Si vous voulez soutenir le sanctuaire, vous pouvez vous rendre sur le site refuge-arche.org. Les auteurs de fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, avertit Éric Dupond-Moretti. Après le musée du Louvre et le château de Versailles, encore aujourd'hui, de nombreux aéroports régionaux ont été évacués après des coups de fil malveillants, 5 jours après l'attaque qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Un homme de 20 ans a reçu plusieurs coups de couteau à la cuisse à Renazé, dans le sud de Mayenne. L'agression s'est produite devant le Géricault Bar dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La victime a dû être transportée au centre hospitalier. Danger. Les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier le ou les auteurs de cette agression. Détail à lire sur francebleu.fr. Le sport est dans un peu plus d'une heure. On connaîtra les affiches du 6e tour de la Coupe de France de football. Il reste 4 clubs mayennais en lice. Méralcossé, le Stade Mayennais, l'ancienne de Château-Gontier et le FC Château-Gontier. Le tirage au sort a lieu dans la banlieue de Nantes à Rezé à 19h. Le match Stade Lavalloise-AS Saint-Etienne se jouera sans surprise à guichet fermé lundi à 20h45. Mais si vous n'avez pas de place pour assister à ce choc au stade Francis Lebasserre, vous allez avoir une dernière chance d'en acheter demain. Le club de football va remettre quelques billets en vente à 14h sur son site et au siège, au Gandonnière à Laval, pour tenter de contenter le maximum de supporters. Ce sont des places à visibilité réduite ou debout. Précision sur l'application ici. Cédric, bon, vous écouterez à la radio. Exactement, la solution France Bleu Mayenne, elle est toujours là pour toutes les journées de championnat de Ligue 2. Cédric, le temps, moins de pluie, voire pas de pluie ce soir. Ah, ça va se calmer, la vigilance est toujours de mise à cette heure-ci, 18h, mais on va la perdre puisqu'on va retrouver une stabilité du côté du ciel. En tout cas, il va souffler moins fort sur le département, c'est ce que nous dit Météo France. Alors demain, ce ne sera pas la vigilance jaune pour le phénomène de vent, mais par contre, on sera toujours en vigilance jaune avec ce phénomène orageux. Parce que même si la grisaille sera présente, la pluie moins présente, c'est vrai que des coups de tonnerre sont attendus. Il faudra être prudent. Demain, jeudi, on verra d'ici là si ça change et comment ça tourne dès demain matin sur France Bleu Mayenne. Les températures demain au lever du jour, 12 à 14 degrés. Les maximales comprises entre 16 et 19 degrés. Bonne soirée à vous, Marcelin. Bonne soirée. À 19h, le retour de l'actualité sur France Bleu Mayenne et la route ensemble au 02 43 67 11 11. Vous nous appelez comme d'habitude pour nous indiquer le moindre souci que vous rencontrez peut-être en rentrant tranquillement à la maison si vous quittez peut-être les clubs sportifs de vos enfants en ce jour de mercredi. Le 16-19, Cédric Ruiz. Le handisport à l'honneur d'ici quelques minutes. Pourquoi ? Parce que le pays de Mélégret se met à l'heure des Jeux Paralympiques 2024. On en parle avec mon invité dans 100% sport d'ici 3 minutes. On parlera de la Coupe du Monde de rugby aussi. Le ballon France Bleu officiel de cette Coupe du Monde de rugby est peut-être pour vous dans les prochaines minutes. Le temps de déjeuner en paix avec Stéphane Echer sur France Bleu Mayenne. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attend. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde. Sur la nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Stéphane Echer qui depuis des années veut déjeuner en paix. Il est 18h08 sur France Bleu Mayenne. 100% sport, France Bleu Mayenne. Oui, la paix, oui, la paix, on la voudrait un petit peu partout, ça c'est clair, la paix dans le monde, la paix en Mayenne, tout va bien, surtout quand à cette heure-ci, on parle du sport comme tous les soirs, du lundi au vendredi, et puis je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le pays de Mélégret qui se met à l'heure des Jeux Paralympiques 2024, on va parler de pratiques sportives aussi, à tous les âges, pour tous les sportifs, à l'occasion des Jeux Paralympiques de l'année prochaine, le service sport qui sensibilise les habitants au handicap, à travers aussi des initiations au handisport. Et pour nous en parler, on accueille mon invité Adrien Bézi. Adrien, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir en studio ici à France Bleu Mayenne. Vous êtes éducateur sportif. Éducateur sportif et les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je présume que pour vous déjà, l'année prochaine, c'est une année sympa. Oui, c'est sûr. C'est super sympa d'accueillir en France un tel événement. Ouais. Donc voilà, et puis on a essayé de s'inspirer de tout ce qui va se passer l'année prochaine pour proposer des activités sur le territoire du Pays de Mélégré. Alors, un peu comme dans l'appel qu'il y a eu pour le département Terre de Jeux, Mayenne 2024, on le voit à l'entrée de plein de communes aussi qui participent à tout ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec le service sport dans le Pays de Mélégré pour sensibiliser? Parce que le Paralympique, c'est malheureux à dire, mais c'est moins exposé que les Jeux Olympiques. On le voit à la télé, mais forcément, il y a moins de médiatisation. Et pourtant, il y a plein de belles choses à découvrir. Oui, carrément. Du coup, on s'est inspiré. En fait, on est parti d'une activité avec le comité handisport, une sensibilisation autour du torball et du rugby fauteuil, avec le service jeunesse qui s'est passé en février pendant les vacances. Et du coup, on a rebondi là-dessus quand on a vu l'appel à projet Terre de Jeux Mayenne 53 2024. Mmh. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire plusieurs initiations tout au long de l'année pour différents publics, avec différents partenaires. Et voilà, du coup. Du coup, on a eu toute l'année là des initiations. Ouais, alors c'est selon les retours des professeurs aussi, la découverte, ce qu'on a envie aussi de découvrir. Il y a plein de choses en fait dans le handisport. En avril, j'ai vu que vous avez fait aussi du basket fauteuil. Vous avez proposé aux élèves aussi d'un collège, d'une école aussi, d'une association sportive aussi, hein, à Mêlée du Maine, le basket club. C'est ça en fait, c'est valoriser en fait tout ce qu'on peut, c'est faire. Voir découvrir aussi, parce que certains se disent des fois, ah oui, le basket, non, on peut pas le faire quand on est en situation de handicap. Et si? Si, voilà, c'était le but du jeu, c'était voilà, de les faire pratiquer pour ensuite sensibiliser surtout comment en fait se passe la vie des personnes en situation de handicap. Et je trouve qu'on a réussi parce qu'on a accueilli quand même 47 élèves d'une école de mêlée, deux associations sportives de collège, et puis le contrat local d'accompagnement à la scolarité qui est supporté par l'Espace Méninois. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu se mettre vraiment en situation à travers les matchs, c'est-à-dire qu'ils l'ont eux-mêmes pratiqué, c'est-à-dire que c'est pas juste en discuter ou le voir, c'est aussi le faire. Exactement. Ouais. On avait des fauteuils pour tout le monde. On a installé des petits parcours pour commencer. Et puis, forcément, ils se sont pris au jeu. Et puis, on a fini par des petits matchs. Et voilà, tout le monde a pu pratiquer et se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Et j'espère, du coup, ça mûrira dans leur esprit qu'on peut faire du sport quand on est Bien entendu. Il y a eu un appel, donc, avec aussi tous ces projets. Qui vous aide autour de tout ça? Parce que forcément, il y a les établissements, mais il y a des aides d'un petit peu partout. Je crois qu'il y a du cinéma. On va en parler dans quelques secondes avec Atmosphère 53 aussi. Qui sont là, ça sera animé d'ailleurs vendredi par Atmosphère, mais les gens qui ont participé aussi à cet appel, c'est qui? Eh bien, ceux qui ont participé à cet appel, du coup, en tant que partenaires, il y a eu les deux collèges, les écoles, il y a eu l'Espace Méninois, du coup, centre social à Mêlée du Maine. On a eu aussi le comité handisport 53 qui nous a prêté notamment du matériel au niveau des fauteuils, les francs archers aussi auxquels on a pu louer. Et puis du coup au niveau du public, on a touché aussi des jeunes de 12 à 17 ans, des scolaires et aussi des adultes et des personnes dans les clubs. Et du coup ça a permis d'avoir un éventail de public assez différent. On parlera de vendredi, le dernier vendredi du mois dans la deuxième partie à la salle des sports de Mêlée du Maine, ce qui va se passer aussi, vous allez voir. Mais ce vendredi, Adrien, un ciné-débat avec un film et donc animé par l'association Atmosphère 53. Qu'est-ce qui va se passer vendredi soir? Et du coup, c'est un petit remix, comme tout le monde connaît, du film Rasta Rocket, exactement. Voilà, où c'est une personne, un Algérien, qui vient pratiquer du ski de fond pour sauver son entreprise. Mm-hmm. Et voilà, c'est une comédie tout public. C'est ouvert à tous et au pays. Du coup, ce sera au pôle intercommunal à Mêlée. Ça se déroulera dans l'amphithéâtre. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Bah oui, bien sûr. Donc vendredi soir en plus, c'est le premier soir des vacances scolaires. Allez le voir en famille aussi, animé par l'association Atmosphère 53 que je salue, qui passe souvent aussi dans l'émission. On peut aussi, il y a besoin de s'inscrire ou on vient dès le soir? Si possible, c'est pour s'inscrire parce que j'espère qu'on aura peut-être trop de demandes pour en essayer de répondre à tout le monde. Mais inscription au service des sports. Et donc service.sport@paysmelegre.fr. Et on a le numéro de téléphone à vous donner ici, nous, au standard de France Bleu Mayenne. Vous restez là, Adrien, on va parler de la suite aussi d'ici la fin du mois, de comment tout va se passer à l'approche de ces Jeux Paralympiques 2024. Je vous l'ai dit, dans 100% Sport, on met ça à l'honneur, puisque le pays de Mélégré se met à l'heure des JO, les Jeux Paralympiques aussi, qui approchent à grands pas, et forcément sur France Bleu Mayenne, on vous en fera écho, ça va de soi. avec la question tango de France Bleu Mayenne. Gagnez des cadeaux en lien avec le Stade Lavallois Mayenne FC. Venez tester vos connaissances autour des tangos et tentez de remporter des places pour encourager le Stade Lavallois lors de sa prochaine rencontre à domicile au Stade Francis Levasseur. N'attendez pas, dès maintenant, rendez-vous sur le site francebleu.fr pour répondre à la question tango. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses à la mi-temps du match. Allez, bonne chance! La route 53 sur France Bleu Mayenne. À Cossé le Vivien ce jeudi avec le comédien et metteur en scène Loïc Méjean. Il est en tournage dans la commune. Un court-métrage carnet de voyage qui sera diffusé à la fin de l'année dans le cadre du Festival 37. Rencontre avec l'équipe de tournage et des comédiens dans Route 53 ce jeudi matin. L'émission au plus près de chez vous. La route 53 sur France Bleu Mayenne. Le 16-19. Cédric Ruiz. 18h15, une belle soirée sur France Bleu Mayenne. Adrien Béziers, notre invité, éducateur sportif dans 100% sport, pour parler du pays de Mélégret, qui se met donc à l'heure de ces Jeux Paralympiques 2024, ce vendredi 20 octobre à 20h, pôle intercommunal de Mélé-du-Maine. Donc c'est gratuit, le ciné-débat Good Luck Algeria de Farid Bentoumi, animé par l'association Atmosphère 53, on vous l'a dit. Mais pour ceux qui vont rater peut-être ce vendredi, s'ils partent en vacances ou s'ils n'ont pas le temps, bah ça tombe bien, puisque autour du handisport, vendredi qui suit, le 27, il y a d'autres choses aussi, Adrien. Oui, c'est ça. Avec le service jeunesse, du coup, on fait une sensibilisation au basket fauteuil, normalement torball peut-être, en fonction du nombre de personnes. Et ce sera animé par le comité handisport de la Mayenne, voilà, en partenariat. Et puis, bah, du coup, on accueille les jeunes de 12 à 17 ans du territoire. Il nous reste de la place, donc on pourra même accueillir des personnes peut-être extérieures au pays de Mélégret. Bon, ça c'est bien, c'est de 14h à 17h le 27 octobre. Alors autant pour le cinéma, c'était auprès du service sport. Là, c'est auprès du service jeunesse du pays de Mélégret, c'est ça, puisque c'est les jeunes de 12 à 17 ans. Exactement, c'est ça. Ça aussi. Là, on va arriver ensuite à la fin d'année, donc ensuite pas forcément d'autres activités, mais possiblement d'autres choses en 2024, à l'approche des JO, parce que l'été, ça sera quelques mois après, il y aura quand même 7 mois aussi. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer autour du handisport. Bah oui, on essaiera aussi peut-être encore de répondre à un appel à projet qui pourrait être proposé par le département. Mmh. Et puis bah voilà, après en fonction du projet, en fonction des réponses des élus, on pourrait espérer peut-être aussi, pourquoi pas, aller voir un petit peu d'épreuves paralympiques sur les différents sites des JO. Ouais. Ce serait un super projet, je pense, à réaliser avec des jeunes ou des moins jeunes sur la communauté de communes. Et une envie particulière pour vous en termes de sport, vous êtes éducateur sportif, est-ce qu'il y a un sport privilégié peut-être pour vous? Bah, je pense que l'athlétisme, c'est un super spectacle sur les JO, donc ce serait top, voilà, même enfin là sur l'handisport, ce serait fou de pouvoir accéder au stade et de voir cette ambiance là. Et la question que se posent les gens, vous êtes éducateur sportif, Adrien, éducateur sportif dans le pays de Mélégret, c'est-à-dire que ça se passe où vous, ce que vous faites vous au quotidien? Eh ben ça se passe du coup moi dans les associations. Ouais. Je travaille auprès des associations. Plusieurs associations tous les soirs, l'accompagnement des sportifs. On accompagne aussi surtout en fait à former les bénévoles qui sont là sur les séances, et ouais, du coup à les aider à construire les séances, à suivre les groupes de jeunes et ainsi de suite, à entamer une progression tout au long de l'année. Et du coup ce projet là bah il est né un peu de ça aussi, hein, de mettre un peu tout le monde en relation, que ce soit tous les partenaires et tout ça sur le pays de Mélégret, et puis bah parler aussi du handisport. Ah bah une super initiative en tout cas, ce pays de Mélégret, à l'heure de ces Jeux Paralympiques 2024. L'athlétisme oui, mais la discipline que vous préférez vous dans l'athlétisme, parce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a une peut-être particulièrement, Adrien Béziers? Moi j'aime beaucoup le demi-fond, en ayant pratiqué un peu au Stade Lavallois, voilà, demi-fond ça c'est... Ouais. Demi-fond c'est quoi? Oui, à partir de 800 mètres, voilà, 800, 1500, voilà. Ah, c'est des belles activités sportives aussi. Merci Adrien d'être venu en tout cas ce soir pour nous parler pendant ces quelques minutes de ce bel appel à projet aussi, et ce pays de Mélégret, hein, les deux vendredis qui vont arriver, le 20 octobre et le 27 octobre, on vous redonnera toutes les informations. En tout cas, bravo à la communauté de communes, ce pays de Mélégret qui met en œuvre tout ça pour sensibiliser aussi à travers ses initiations. Et le handisport, merci Adrien. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir, 18h19 sur France Bleu Mayenne. 100% sport. France Bleu Mayenne. Temps passe vite, oui, France Bleu Mayenne, c'est la radio. 02 43 67 11 11, notre jeu autour du rugby. Adrien, vous avez regardé dimanche ce ce film catastrophe. Ouais, malheureusement. Oui, bah oui, la France qui s'est fait donc sortir en quart de finale, hein, sortir, je sais pas si c'est par l'équipe adverse ou possiblement un peu par l'arbitre qui a un petit peu poussé aussi, mais en tout cas, on n'est plus dans la compétition, mais sur France Bleu Mayenne, c'est pas parce que l'équipe de France n'est plus là qu'on ne vous offre pas le ballon de rugby officiel de la Coupe du Monde de rugby France Bleu. Vous allez pouvoir le gagner, bah, tout simplement en nous disant qui a sorti l'équipe de France ce week-end, dimanche, hein, c'est très simple. Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est l'Argentine? La Nouvelle-Zélande? Ou l'Afrique du Sud? 02 43 67 11 11, vous appelez Véro maintenant. Vous lui donnez la bonne réponse avec ce club terrible qui nous a sorti. Le temps d'écouter Ed Sheeran et Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Every pure intention.